tous pensaient à se barrer. Franchement c'est la merde ici, je me vois souvent péter les plombs. Pourtant moi je suis pas d'ici, suffit d'une fois pour que tu puisses comprendre que la vie n'a qu'un prix. Je prends pas de poids avec toutes ces années, faut que je ralentisse le shit. Des problèmes qui me collent au cul, j'en ai plein, je fais collection. Des commères, y'en a partout, tu croises de tout dans la rue. Avec le temps on se forge tout seul, j'ai pu comprendre ça qu'est-ce qu'on dit. On mène des vides malades mentales quand on a même plus un centime. Et du temps j'en ai perdu avec des gens qui n'en valent pas la peine. Tandis que ma haine augmente, je vais creuser leur trou à l'appel. J'ai plus qu'un démon dans ma tête, ouais chaque jour j'attire la haine. J'aime pas les jours où c'est la merde, suffit d'un jour pour se refaire. Pour ma fille, je ferai tout, pas du genre abandonner leur sa vie, tu sais je m'en fous, moi j'ai rien à leur prouver. Dans ma vie j'ai pas tout dit, tout fait, j'ai fait du mal, je suis pas tout fier. Quand j'ai de la maille, ils m'appellent frère, y'a plus personne quand je suis à terre. Un jour on partira, mais pour l'instant on bosse, on trim, on coffre, et puis un jour on meurt. Je sais pas pourquoi dans ma tête il se passe des tas de choses. J'ai grandi toujours la haine, je continue pas le choix. Un jour on partira, mais pour l'instant on bosse, on trim, on coffre, on pense à l'avenir de nos boss. Je sais pas pourquoi dans ma tête il se passe des sales choses. On a tous des envies, moi le premier je vais le pote. Le cul entre deux chaises, l'avenir puis la sécheresse. Je me suis serré les coudes, gros, je suis la même quand c'est la dèche. Pas l'impression d'être stable, c'est encore fou dans ma tête. Chaque fois que je tire une latte, j'ai le cerveau en ébullition. Avec le temps, je deviens barge, ralentis la moquette que je me construis petit à petit, man. Je chie sur leur émission, ici rien qu'on stagne. Chaque jour on se bat, j'aurai le constat. Pour monter en haut, tu sais, chaque jour faudrait qu'on stable. La douleur est constante, toujours présente, toujours si gore. Là d'un coup, j'appuie là où j'ai mal, ça fait moi quelqu'un de plus fort. On dit que les murs ont des oreilles, non, parle pas trop fort. Avec les on dit que t'entendras, t'arrêtes pas et plus trace. Si j'ai des bâtons dans les roues, je vais tout reconfigurer par défaut. Le manque d'amour se fait sentir, je veux que ma mère est pas de ses folles. Génération, je bosse, je rime, je veux du fric, je stream pour du bif, je kill, y'a trop de vic, team. Un jour on partira, mais pour l'instant on bosse, on trim, on coffre, et puis un jour on meurt. Je sais pas pourquoi dans ma tête il se passe des tas de choses. J'ai grandi toujours la haine, je continue pas le choix. Un jour on partira, mais pour l'instant on bosse, on trim, on coffre, on pense à l'avenir de nos boss. Je sais pas pourquoi dans ma tête il se passe des sales choses. On a tous des envies, moi le premier je vais le poisson. Tout ce qui m'arrive, j'ai rien demandé, putain je dois grandir avec. Je vois que ma vie est inondée de pleurs, de gouttes, de salé. Je réfléchis, je me laisse aller, je touche même pas un bon salaire. Qu'est-ce que je vais faire demain? On dit que c'est loin, mais je crois pas que ça l'est. Ça y est, du bif, j'en veux encore et je me sens pas rassasié. Des fois le mal est là, il me fait des signes, y'a pas besoin de parler. Y'a que moi qui me comprends parfois, même si j'ai fini par terre. Y'a des choses qu'on ne fait pas et qu'on a fini par faire. La vie ça devient dur, avec le temps je vois des gens cramer. Si t'as pas changé, c'est que tu t'es toujours pas calmé. Les années ont passé, tu sais, faut bien faire quelque chose de sa vie. Avant tout j'ai un secret, pourquoi la vie que je mène ici c'est pas celle que je vivais avant. Avant que je prenne les armes et que je leur fasse du rentre dedans, c'est pas marrant. Garçon, la haine attise, la merde attire, les problèmes les emmerdent, toi t'as l'impression que je kiffe. Un jour on partira, mais pour l'instant on bosse, on trim, on coffre, et puis un jour on meurt. Je sais pas pourquoi dans ma tête il se passe des tas de choses. J'ai grandi toujours la haine, je continue pas le choix. Un jour on partira, mais pour l'instant on bosse, on trim, on coffre, on pense à l'avenir de nos boss. Je sais pas pourquoi dans ma tête il se passe des sales choses. On a tous des envies, moi le premier je vais le poids. Un jour on partira. Il se passe des sales choses. On a tous des envies, moi le premier, je vais le